Chapitre 9. Le bar de la Coterie. Madame de Prase s'était concertée avec Lionel. Au retour de la promenade, Jean Mareuil fut invité à dîner pour le soir même. La journée se passa sans incident et il faut dire que le dîner fut également banal. Il n'avait d'autre but que de faciliter aux deux complices l'observation de celui qu'il voulait perdre. Il arriva, finement habillé d'un smoking impeccable, et se montra toute la soirée d'une gaieté charmante, avec, comme toujours, de ces passes rêveuses qui le singularisaient. De ces expériences anodines auxquelles Madame de Prase et son fils livrèrent sur lui, rien de concluant ne résulta. Lorsque Lionel tourna les pages de l'album, Jean Mareuil ne s'approcha pas de lui pour revoir les photographies de Madame Guy Laval. Quand on effleura le dédoublement de la personnalité à propos de ce procureur Hallers que l'Odéon venait de reprendre, il ne laissa voir qu'un intérêt mondain pour ces sortes de psychoses. Le monde des Apaches lui était indifférent, ainsi qu'il le déclara, au cours d'une controverse sur la criminalité. Enfin, l'heure s'avançant, il ne parut nullement pressé de se retirer, ce qu'il ne fit qu'à regret, vers minuit, sans avoir marqué par un signe quelconque l'angoisse d'obéir au signe du mystère. Mais tout cela ne prouvait rien. Les lectures que Lionel avait faites l'en assuraient. Celui-ci sortit avec Jean Mareuil, dont il se sépara bientôt pour aller, disait-il, finir la nuit au caveau géorgien. Cependant, dès que le fiancé de Gilberte fut rentré chez lui, Lionel regagna son poste d'espionnage en face de l'hôtel. Il y était seul. Aubry, selon les instructions qu'il avait reçues dans l'après-midi, se tenait en embuscade de l'autre côté de l'avenue. Caché dans l'ombre des arbres, au-delà de l'allée cavalière, Aubry fixait de loin le bosquet où Lionel, invisible, attendait les événements. Ainsi en avait-il convenu. Un peu après 1 heure du matin, un point lumineux s'alluma dans le bosquet. Aubry savait ce que voulait dire la lampe électrique de Lionel. Jean Mareuil sortait de chez lui. La petite étoile s'éteignit, puis, au bout d'une minute, brilla deux fois de suite. Cela signifiait que Jean Mareuil prenait le même chemin que la veille. En effet, Aubry vit une ombre humaine traverser l'avenue et, sans plus attendre, il se porta dans la direction de son gibier. L'Apache marchait très vite et semblait ne se soucier de rien. Il ne tournait pas la tête. Le suivre était aisé, à condition que la chasse ne durât pas trop longtemps. Aubry, qui portait des semelles en caoutchouc, se mit à sa suite, n'essayant pas de se dissimuler le long des murailles, ce qui l'eût rendu suspect dans le cas où Jean Mareuil se fût retourné, averti d'une présence par quelque léger bruit ou quelque intuition. Il n'en fut rien. L'homme étrange allait droit vers un but inconnu. En admettant que, la veille, il eût agi pareillement, Aubry ne s'expliquait que par la malchance le fait d'avoir perdu sa piste. Cette fois, tout se passa au mieux des intérêts de Madame Prase et de son fils. Deux agents de police, qui cheminaient de conserve, croisèrent benoîtement le faux malandrin et son suiveur. Leur vue ne fit ni dévier ni hésiter Jean Mareuil, qui, tout en marchant, alluma une cigarette dans ses mains réunies en coquille. Il déboucha bientôt avenue Malakoff, coupa l'avenue de la Grande Armée et s'engagea dans cette partie des ternes qui avoisine les fortifications. Au coin d'une impasse, sous un réverbère, une femme se tenait, guettant. Elle scruta les ténèbres à l'approche de Jean Mareuil. Ses yeux s'animèrent et elle s'avança au-devant de lui. Aubry s'effaça prudemment. Il avait eu le temps de distinguer, à la lumière du coin, les traits caractéristiques de la belle de nuit. Son visage volontaire, d'une joliesse de barrière, sa chevelure bleue, mordue de peignes scintillants, sa robe noire rehaussée d'écarlate. Un instant, le couple ne fit qu'un bloc, uni par une étreinte violente, et tous deux se remirent en marche, le bras de la femme ceinturant la taille de Jean Mareuil. « Parfait, parfait !» se dit Aubry, « de mieux en mieux !» Et, la figure endommagée d'un sourire qui n'était qu'une grimace, il reprit sa marche, lui aussi, derrière les amants enlacés. Aubry, chemin faisant, agitait en lui-même des pensées qui le troublaient grandement. Lionel de Praz lui avait expliqué grosso modo l'extraordinaire phénomène de la conscience alternée. L'ancien maître d'hôtel, Matois, doué d'une intelligence rusée, avait fort bien saisi ses éclaircissements. Il savait nettement à qui il avait affaire en surveillant Jean Mareuil, et certes, au besoin, il aurait agi à son égard sans commettre de faute. Mais malgré tout, l'étrangeté de l'aventure, la nouveauté de la situation ne laissaient pas de l'ébahir. Et le fait de filer un personnage aussi anormal l'envahissait d'une espèce de malaise, d'une sorte d'appréhension assez difficile à décrire, et dont ce primaire n'avait, d'ailleurs, qu'une conscience très vague. En somme, on l'eût lancé aux trousses d'un être absolument nouveau, par exemple d'un habitant de la Lune descendu sur la Terre, l'effet en eût été le même sur son esprit simpliste, étranger à toutes les extravagances de la nature. Ce qui en résultait de plus clair, c'est que la vigilance d'Aubry atteignait son maximum. Attaché au mystère le plus incompréhensible, il se méfiait à outrance de l'homme qu'on l'avait chargé de reconnaître et qui différait si profondément des autres hommes. Pour un cerveau comme le sien, de tels cas ne relèvent pas, manifestement, de la science, de la médecine, de cette psychiatrie dont le nom même venait de lui être révélé et qu'il ne comprenait pas. De tels cas tiennent du prodige. Et Aubry s'imaginait confusément que les hasards de sa destinée l'avaient introduit tout à coup dans un conte de fées où son rôle était aussi inconcevable que délicat. À supposer qu'il fût sur la trace d'une licorne, d'un centaure ou, comme nous l'avons dit, d'un sélénite, il n'eût été ni plus étonné ni plus attentif. Aussi bien, mettons-nous à sa place et demandons-nous quel serait notre état d'âme, si cultivé, si savant même que nous soyons, dans le cas où nous aurions à suivre, la nuit, à travers l'inconnu, un être humain qui en est un autre. Et n'y a-t-il pas de quoi frémir en pensant que cela n'est pas une histoire des mille et une nuits, mais que les ouvrages les plus sévères ont été consacrés à l'étude de ce terrible et réel enchantement ? Cependant, Jean Mareuil et sa compagne étaient entrés dans une petite maison basse dont la porte se referma sur eux. Aubry examina la devanture. C'était celle d'un marchand de vin. À droite et à gauche de la porte, des volets de bois masquaient des vitrages. Au-dessus de l'entrée, on lisait en grosses lettres jaunes « Bar de la Coterie ». Aubry se consulta. Allait-il entrer, comme cela, de pied ferme, dans une boîte de nuit qu'il ne connaissait pas ? Car c'était à coup sûr une boîte de nuit. Pour s'en convaincre, il ne fallait que constater l'heure avancée, la lumière qui perçait aux fentes des volets et ce murmure assourdi qui filtrait jusqu'au dehors. Aubry, perplexe, écoutait cette rumeur dont rien ne permettait de juger quelle sorte d'assemblée la produisait. Selon qu'il imaginait ceci ou cela, Aubry prêtait à ses voix mêlées des accents tantôt paisibles et tantôt menaçants. Mais il arriva que la porte s'ouvrit pour livrer passage à trois citoyens de bonne allure, parfaitement calmes, vêtus, comme l'était Aubry, de complets vestons usagés, avec chandail et casquettes de sport. Au même moment, un homme et une femme, suffisamment corrects, pénétrèrent dans le bar de la Coterie. Aubry, sans plus attendre ni balancer, entra derrière eux. Ils traversèrent une première salle peu éclairée, occupée par un comptoir de zinc en forme d'épingle à cheveux et qui ne laissait libre qu'un étroit espace autour de son fer à cheval. Cette salle, type du bar populaire parisien, était vide à cette heure. Celle qui venait ensuite offrait un spectacle plus animé, quoique banal. Dès l'abord, Aubry fut rassuré sur les suites de son entreprise. Ce n'était pas, à proprement parler, un bouge. Cela ressemblait à un petit café, au plus ordinaire des petits cafés sans prétention. Il y avait des tables de marbre, des glaces au mur, dans des cadres ripollinés, un piano droit extrêmement fatigué, beaucoup de fumée de tabac, et là-dedans, une copieuse réunion de fêtards plébéiens, appartenant pour la plupart à la plus basse classe de ce monde spécial qui s'agglomère autour de la porte Maillot et qui est le monde du vélo. La Cauterie était le rendez-vous diurne et nocturne de tout ce que la bicyclette fait vivre petitement. Ses palefreniers s'y retrouvaient. Le magasin de cycles, le vélodrome, la route y envoyaient la racaille des commis, des apprentis et des candidats coureurs auxquels se mêlaient des cires plus interlopes, dédaigneux de Buffalo ou du Parc des Princes, et qui, en venant là, continuaient une tradition que les remparts tout proches avaient depuis longtemps cessé de justifier. L'entrée d'Aubry passa inaperçue grâce à ces gens qui le précédaient. D'ailleurs, l'assistance était captivée par l'arrivée de Jean Mareuil et de la jeune femme, qui, à présent, prodiguait ses caresses à un caniche chocolat, coiffé d'un magnifique nœud de couleur verte. L'animal, délirant de tendresse, glapissait passionnément, sans s'éloigner toutefois d'un sac de voyage en cuir fauve, placé sous une banquette. « Là, là, mon bon chien, là, Benko, ça va, ça va !» « Benko, la paix, hein ?» Mais autour d'elle, on réclamait « Les serpents, Java, les serpents !» La fille semblait peu disposée à s'exécuter. Elle n'avait pas le sourcil commode et elle grommelait des mots inintelligibles tandis que son compagnon la regardait d'un air moqueur. Aubry s'attabla non loin, auprès de trois consommateurs dont l'entrain bruyant lui parut révélateur d'un précieux besoin d'expansion. Ses joyeux drilles parleraient sans doute volontiers. Cependant, il prêtait l'oreille aux propos de Java et de Jean Mareuil. « Vas-y de tes serpents, puisqu'on te le demande !» disait celui-ci. Elle boudait. Elle le regarda d'une façon ardente et farouche, pleine d'amour et de rage. Et Aubry l'entendit murmurer « Eh bien alors, dis-moi la vérité, Freddy, parce que tu sais, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Je t'ai vu à cheval ce matin. C'est fou, mais c'est comme ça, et je n'ai pas la berlue. Avec qui que t'étais si bien fringué? Avec qui? C'est ce que je veux savoir. Le reste, je m'en fiche. Qui que c'était, cette môme? Je t'ai appelé, pourquoi que tu m'as pas répondu ?» Le visage de Jean Mareuil prit une expression de dureté singulière. Son œil perdit tout regard. Sa voix trancha. « Vas-y de ton truc, je te dis. Tes marteaux, je sais pas ce que tu veux dire. » Java se crispait pour refouler ses larmes. On les observait. Une curiosité naissait autour d'eux. « De quoi ? Des magnes ?» chuchota l'autre entre ses dents. Sombre, désespéré, Java baissait la tête. Sur la cadence des lampions, tout le monde maintenant réclamait « Les serpents, les serpents, les serpents !»« À toi, Freddy !» cria quelqu'un, pour une fois, mets-en un coup. « Les serpents, Freddy !»« Ça, ce serait chouette !» dit le voisin d'Aubry. Alors le patron du bar, un gros ventru en manches de chemise, insista lui-même, sans quitter le comptoir où il rinçait les verres. « Allons, Freddy, un bon mouvement !» Il y a assez longtemps qu'on ne t'a pas vu travailler, petite flemme. Messieurs et dames, si vous savez vous y prendre, vous allez voir Freddy la couleuvre dans ses périlleux exercices. Freddy, Freddy ! Clamait-on de toutes parts. Passe-moi le sac, dit Jean Mareuil à Java. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Un sourire avantageux tirait sa bouche. Il ôta sa veste, retroussa jusqu'au coude ses manches de toile rose à rayures blanches. Un tatouage enroulé à son avant-bras droit, une couleuvre d'un bleu faïence. Le sac, ouvert, fut posé sur une table devant lui. Il s'accroupit, à l'orientale, sur la banquette, porta à ses lèvres une flûte légère. « Silence !» commanda le patron. Java, sans guetter, éloignait les spectateurs trop curieux. Le voisin d'Aubry était un petit gars noireau, sec et noueux, dont le dos voûté indiquait l'habitude de la bicyclette. avec ses deux camarades, non moins maigre que lui, il avait bien l'air de fêter quelque petit triomphe de piste ou quelque bonne affaire d'entraînement. Ils avaient bu copieusement. « Ah ah !» fit Aubry, « Freddy la couleuvre, c'est un joli nom, ça !»« Et bien porté !» répliqua le voisin en tirant sur ses bas de laine. « Il n'y a pas plus feignant que ce mec-là. » « Ta bouche, eh !» dit un autre. « C'est pas parce qu'il est cossa qu'on l'appelle comme ça la couleuvre. » « Penses-tu que je ne le sais pas ? Eh, ballot, je venais déjà ici dans les temps qu'il travaillait sans Java. » Aubry se demandait à quel travail allait se livrer Jean Mareuil sous le nom de Freddy la Couleuvre lorsque la flûte fit entendre une douce, lente et monotone mélopée. Accroupi, les pieds croisés, en face du sac de voyage, Freddy la Couleuvre jouait de son pipeau tout en se balançant avec une nonchalance rythmique. Et de l'autre côté du sac, Benko, le caniche chocolat, assis sur une chaise, l'écoutait attentivement et inclinait sa tête frisée, tantôt à droite, tantôt à gauche, ce qui agitait de la façon la plus comique le gros papillon de ruban vert. Une sorte de recueillement intrigué planait dans la tabagie. Le son de la flûte était roi. Il fut d'abord, et longuement, comme doit être la brise chaude à travers les bambous de la jungle, une suite de notes filées, à peine musicales, mais infiniment caressantes et si faibles qu'on put entendre bientôt, à l'intérieur du sac, des froissements et de légers chocs. Aubry sursauta. Brusque, avec la roideur d'un ressort qui fait surgir de sa boîte le diable joujou des bazars, un serpent brandissait hors du sac quelques pouces de son corps rigide. Et sa tête plate, braquée vers le joueur de flûte, lançait à petits coups répétés une langue bifide et prompte. Un autre l'imita, puis un autre. Et en un clin d'œil, le sac fut un vase d'où sortait un hideux bouquet de reptiles. On eût dit une chevelure de gorgone, et l'on pouvait se demander si cet horrible sac ne contenait pas dans ses flancs mystérieux la tête coupée d'une nouvelle méduse. Alors, la flûte marqua sa cadence moins légèrement, sa douceur s'aigrit. Elle siffla. Le balancement du charmeur devint une danse du torse autour des reins immobiles. Et les serpents commencèrent à osciller, suivant le branle de la mélopée. Et ils oscillaient, pareillement à des tiges que le vent courbe de-ci de-là. Puis il y eut un sifflement aigu de la flûte, interminable, pendant lequel tout mouvement cessa. Un sifflement qui était, en vérité, par on ne sait quoi de perpétuel et de lisse, la représentation sonore de l'immobilité. Quelque chose comme la ligne pure et infinie de l'horizon universel. Cette droite chantée s'acheva enfin par une série d'ondulations qui commençaient à exprimer un autre mode de langage. Freddy la Couleuvre, semblable au fakir des Indes, imperturbable et grave comme lui, modulait une sorte de gazouillis, d'une douceur, d'une légèreté telle qu'il évoquait un chalumeau fragile, parcouru de doigts craintifs et aéré d'un souffle anxieux de le rompre. Ce gazouillis chuchoté décrivait les méandres d'une reptation. Il suivait, dans l'espace du silence, des courbes onduleuses. Freddy la Couleuvre les soulignait lui-même en imprimant à ses épaules et à ses hanches une fluidité mouvante. Les serpents glissèrent. Ils se répandirent sur la table de marbre en un faisceau visqueux, noué et dénoué sans cesse. Ils gagnèrent de là les genoux de Freddy et l'un d'eux monta d'un jet flexueux jusqu'à son cou qu'il ceignit. Bientôt, l'homme fut paré d'ophidien comme un arbre dans la forêt de Sumatra. Il en avait au bras, au front, au poignet. Toutes les petites têtes angulaires convergeaient vers la flûte douce. Les yeux barbares brillaient, fixes. Les minuscules langues fourchues se dardaient, rapides, comme clignent les paupières. Et le tatouage bleu, paraissant lui-même sensible à l'incantation, semblait couler autour du bras ses anneaux écailleux, élevé, hors la chair qui l'emprisonnait, sa tête reptilienne savamment dessinée. Ce fut le moment que choisit Java pour passer dans les rangs du public et faire la quête. Quand elle revint, portant une assiette chargée de papier-monnaie, Freddy abandonna la flûte, défit son cache-nez de serpent et fit réintégrer aux couleuvres leur gîte de cuir. Les bravos crépitèrent. Le patron lui-même daigna quitter son comptoir et déboucher pour Freddy une bouteille de mousseux. « Si tu voulais, lui dit-il, tu serais un as. Java sait bien y faire. Mais toi, mon pote, c'est épatant. Tiens, pour une seule séance chaque soir, moi, je te donnerai... « Fous-moi la paix !» dit Freddy. Le patron fit un geste de regret, trinqua et, levant haut le coude, vida son verre d'un trait. Aubry offrit une bouteille de saumure à ses trois compagnons et engagea la conversation. Mais il se méfiait de cet inconnu, faisant partie d'un monde où la méfiance est de règle. Aubry sentit que toute question directe les mettrait en hostilité contre lui. Il rusa donc de son mieux et finit par apprendre, avec mille difficultés, l'essentiel de ce qu'il voulait savoir. Celui des trois buveurs, qui fréquentait le bar de la Coterie depuis le plus longtemps, avait trouvé là Freddy la couleuvre. Cela faisait environ 2 ans. À cette époque, il exhibait lui-même ses serpents. Java n'était entré dans sa vie que plus tard. On ne savait pas au juste ce que faisait Freddy, cela ne regardait personne. Eux, n'est-ce pas, ne le voyaient que la nuit, à la Coterie. Pendant le jour, peut-être bien qu'il travaillait dans un atelier quelconque, peut-être bien aussi qu'il ne faisait rien. C'était son affaire. En tout cas, il n'était pas dans le vélo comme eux, parce que, pour ce qui était de connaître les types dans le vélo, il n'y avait pas d'erreur. Mais Aubry voyait le soupçon fausser les regards de ses interlocuteurs. Du reste, l'heure tournait, les consommateurs se retiraient peu à peu. Les trois cyclemènes prirent congé de leur amphitryon, à qui ils avaient rendu sa politesse bachique. Il ne resta plus dans le bar qu'une vingtaine de buveurs, les uns conversant avec animation, les autres plongés dans l'hébétude de l'ivresse ou de la calamité. Dans un coin, à l'écart, Java et Freddy la couleuvre étaient assis l'un près de l'autre. Lui, les coudes sur la table, les pieds allongés, dans une attitude de paresse, fumait paisiblement cigarette après cigarette. Il regardait devant lui, oisif et indifférent. Mais elle avait posé sa jolie tête fervente sur son épaule et elle lui parlait à voix basse, sans cesser de le contempler de son grand œil sombre et tourmenté. Aubry les apercevait à travers l'épais nuage de fumée, mais il lui était impossible de distinguer ce que disait Java. Celle-ci semblait prier, supplier. Le silence de son auditeur taciturne la désespérait, l'énervait. Elle lui secoua l'épaule un instant, il ne broncha pas. Enhardi, Java recommença plus fort. Mais Jean Mareuil, ou plutôt Freddy la couleuvre, car Jean Mareuil n'était plus alors qu'un être momentanément effacé du nombre des humains, Freddy, donc, tourna lentement vers la fille un visage cruel, proféra on ne sait quelle dureté brève, ponctuée d'une saccade de la tête, leva la main. Cela suffit à lui jeter au cou une Java repentante, une adoratrice pleine de remords et toute débordante d'humilité. Freddy, pourtant, consultait du regard assez fréquemment la pendule ronde accrochée au mur entre deux pancartes célébrant les vertus apéritives et reconstituantes de produits au nom saugrenu mais claironnant. Et, mieux que la pendule, le plafond vitré de la salle, éclairci tout à coup d'une lueur blafarde, indiqua que la nuit prenait fin. Freddy fut sur pied. Java, saisissant le sac fauve, s'empressa de le suivre. Et Benko, s'étant secoué, sortit avec eux, mal réveillé. Astucieusement, Aubry les avait précédés dans la rue encore ténébreuse. Il put voir Freddy s'éloigner après avoir subi l'étreinte convulsive de Java, qui l'accompagna des yeux jusqu'à ce qu'il disparût. Phil et Freddy n'avaient aucun intérêt. Aubry savait fort bien à quoi s'en tenir sur la destination du double personnage. Mais qu'allait devenir Java ? Il souhaitait l'apprendre et l'apprit. Java, en effet, absorbé dans de tristes pensées, la tête basse et la démarche funèbre, se souciait peu de qui la suivait ou ne la suivait pas. Une femme, au demeurant, et surtout à Paris, et sujette à tant de poursuites plus ou moins discrètes. Les pauvrettes sont si parfaitement accoutumées à traîner après elles un ou deux méprisables soupirants qu'il est très facile de les espionner sans leur donner l'éveil. Elles prennent le mouchard pour un galant et tout est dit. Aubry n'eut même pas cet honneur. Java ne s'aperçut pas de sa présence défilée. Et c'est ainsi qu'il la vit entrer dans un hôtel garni, sans autre enseigne que les mots « chambre meublée », presque à l'intersection de la rue Daniel Rich et de l'impasse Malakoff. Aubry, satisfait, allégé, fit demi-tour. La nuit avait été fructueuse. Il ne restait plus, pour le moment, qu'à rendre compte à qui de droit de tout ce qu'elle lui avait enseigné. Cela se fit sur les 10 heures du matin. Lionel, comme convenu, vint rue de Tournon, reçut le rapport du concierge et lui confirma, en même temps, que Jean Mareuil était rentré chez lui au premier feu du jour. Lionel avait eu la patience de veiller jusque-là dans le bosquet de l'avenue du Bois. Si intéressant que fût le rapport d'Aubry, il est certain que ce dernier n'avait pas prévu l'effet de stupéfaction qu'il devait produire sur Lionel de Praz. Le jeune homme lui fit répéter plusieurs fois la scène des serpents. Ce nom, ce surnom de Freddy la Couleuvre, semblait l'impressionner curieusement, à tel point qu'Aubry lui en demanda la raison. « C'est à cause de l'album, » lui répondit Lionel distraitement. « Monsieur le comte voudrait-il me permettre de lui demander de m'expliquer ?» Mais Lionel, suivant le cours de ses idées, qui condensaient en lui peu à peu comme une vapeur étrange, aux formes de plus en plus précises, l'interrogea au lieu de lui répondre. « Aubry, lui dit-il, depuis combien de temps êtes-vous au service de ma mère ?»« Monsieur le comte, j'ai passé au service de Madame la comtesse à la mort de Madame Guy Laval, dont j'étais le maître d'hôtel depuis quelques mois. » « Par conséquent, je ne me trompe pas, vous étiez à Luvercy, il y a 5 ans, à l'époque du décès de ma tante. »« Parfaitement, monsieur le comte. »« Eh bien, à cette époque-là, n'avez-vous jamais rencontré monsieur Jean Mareuil ? Ou n'avez-vous jamais vu Freddy la Couleuvre, ce qui revient au même ? Cherchez bien dans votre mémoire. Voyons, Aubry, un effort. Vous, de par vos fonctions, vous étiez au château constamment lorsque ma tante y séjournait, tandis que moi, je n'y venais que pour passer mes vacances. Cherchez, vous rappelez-vous, que sais-je, un rôdeur, un mendiant ? Bon Dieu, monsieur le comte ! » D'avoir entrevu, à son tour, la terrible suspicion qui prenait corps dans l'esprit de son maître, le valet policier avait pâli. Et, durant quelques secondes, ils se regardèrent comme si une atmosphère nouvelle eût revêtu toute chose de couleurs insolites. Puis, se reprenant, Aubry resta pensif, appliqué à ses recherches intérieures. Enfin, il dit, cherchant toujours, « Non, monsieur le comte, je ne me rappelle pas. Non. Quand j'ai vu monsieur Jean Mareuil, voici peu de jours, quand vous me l'avez montré en me disant de le surveiller, sa vue ne m'a rien rappelé. » « Rien. Et pourtant, dites, Aubry, pourtant, la vipère noire et blanche. Et savez-vous qu'hier matin, M. Jean Mareuil passait en revue les photographies de ma tante comme un homme qui n'arrive pas à se souvenir de ses souvenirs ?»« Monsieur le comte, fit Aubry, je ne suis pourtant pas une fillette. Mais vrai, ce que vous supposez, j'en ai chaud. » Et, avant de se séparer, ils réfléchirent encore silencieusement, soumis à la formidable hypothèse que Lionel venait d'exprimer.